Portrait d'assaut sur Fadjet. Aujourd'hui dans Portrait d'assaut, découverte de l'association de popularisation et d'éducation à la culture scientifique APEX qui vient tout juste d'être créée, c'est tout frais, c'était au mois d'août. Et pour nous en parler, nous accueillons aujourd'hui Lise et Corentin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc Lise, présidente de l'association, c'est ça? Oui, tout à fait. Et Corentin, donc chargé de la communication. Oui, en gros, je fais l'organisation pour tout ce qui est la production, en gros. Voilà, et vous n'êtes pas tout seul, vous êtes combien aujourd'hui au sein de l'asso à fonctionner? On est 6, puis oui. On va bientôt partir sur 10 assez rapidement. Quand on dit association de popularisation et d'éducation à la culture scientifique, ça dit pas mal de choses. Concrètement, expliquez-nous. On a choisi ce nom déjà parce qu'il sonnait bien. Ouais. Ensuite, on a choisi l'acronyme qui correspondait à nos valeurs et à les productions qu'on compte faire, hein, à savoir du coup des formats courts, des formats longs, et centrés en tout cas sur la vulgarisation et sur la culture scientifique. Mais de toute façon, c'est tellement vaste, donc on peut vraiment toucher à tout, et c'est ça qui nous intéressait. Ouais. Quand a commencé l'idée de voir créer cette association? Comment c'est né? On était dans une autre association qui s'appelle donc l'ASTEC, l'association pour la science et la transmission de l'esprit critique, où on faisait de la réalisation, lisez-moi, pour une chaîne YouTube, donc du coup comme La Tronche en Biais. Et puis au bout d'un moment, nous, on s'y retrouvait plus trop là-dedans. On a senti qu'on n'était pas les seuls à être dans ce cas-là. Donc on s'est dit, est-ce qu'on va pas créer notre asso à côté et commencer à développer nos projets plutôt que d'être dans des projets qui existent déjà et partir de zéro. Donc là, c'est ce que, au final, on est en train de faire. On est en train de préparer plein de choses. Donc de créer des formats courts pour des réseaux sociaux. Nous, on va d'abord se concentrer sur le format vidéo court. Mmh. Donc vraiment tout ce qui est TikTok, Reels, Shorts. Donc en gros, il y aura un compte APEX. Où dessus, il va y avoir plein de membres qui vont poster des petites vidéos de vulgarisation sur les sujets qui les intéressent. Sachant que ça va toucher à tout au niveau des sciences, on n'est pas là pour dire il y a les sciences dures, entre guillemets, et nous on fait que ça, biologie, physique, etc., et les sciences humaines. Non, non, non, nous on touche à tout. Et l'objectif, c'est qu'il y ait aussi un côté artistique dans les productions, et que ce soit vraiment un mélange de plein de choses, et qu'on puisse travailler avec des gens qui ont des compétences partout, et que tout se recroise, en fait, pour faire de la vulgarisation. Des formats courts pour parler de science, c'est possible? Parce que les formats courts, c'est quoi? C'est quelques... même pas une minute, parfois? C'est peut-être un peu plus On est sur du 3 minutes max. Bon, bah là, je vais sur le terrain de mon boulot perso, mais... En gros, au niveau des réseaux sociaux et notamment au niveau des vidéos, on voit de plus en plus que les gens, même si par exemple avec des plateformes comme TikTok, ça va très vite, on voit quand même que beaucoup de gens prennent plus le temps de regarder. En fait, c'est juste au début de l'accroche de votre vidéo. Les premières secondes. C'est vraiment les toutes petites... Ouais, exactement. Et si ça passe, si la personne est intéressée, il peut rester jusqu'à un quart d'heure. Sur Instagram, ils peuvent faire des vidéos de un quart d'heure et ça arrive que les gens restent. Je confonds peut-être avec TikTok, je sais plus, mais il y en a une qui fait plus de 3 minutes, ça c'est sûr. Et les gens peuvent rester tant que le sujet est passionnant. Nous, de ce que j'ai compris, on va plus partir sur du 3 minutes, que ce soit vraiment un truc participatif où il n'y a pas qu'une personne qui poste ou qui est mise à l'écran, mais que ce soit un groupe de personnes et que chacun échange. Un peu, je vais comparer avec de la radio au final, où chacun aura par exemple son émission de 2-3 minutes où il va peut-être parler d'astronomie, il y en a un autre qui va parler de sociologie, etc. Donc voilà. Eh ben, on espère que les auditeurs ont été accrochés déjà par ces premières secondes et qui sont toujours avec nous pour découvrir cette association, donc l'APEX, et puis la création d'une association, parce que c'est pas anodin de créer une association. Ça a mis un peu de temps à mûrir aussi dans votre esprit, Lise? Oh, ça a été assez clair finalement, parce qu'on a tous des passions associatifs, donc on était assez à l'aise avec ça. On a dans l'asso en plus des gens qui sont déjà très très compétents pour tout ce qui est rédaction des statuts, rédaction des règlements intérieurs, donc ça a été assez facile en termes de création. Ça a été assez rapide grâce à Damien notamment. On l'embrasse. Donc non, finalement, on avait réfléchi quelle structure on voulait faire et clairement, l'associatif, c'est ce qui nous plaisait le plus, ce qui nous correspond effectivement le plus. J'ai dit deux fois le plus, excusez-moi. Donc l'association, elle est toute fraîche, elle commence seulement à exister, elle n'est pas encore trop présente sur les réseaux, je crois. Non, même pas du tout. Enfin, au moment où on enregistre... Ça va venir quand? Alors ça devrait arriver d'ici 2 mois, si j'ai bien compris, parce qu'on est vraiment en train de travailler notre communication, parce que là où c'est un reproche peut-être qu'on faisait dans d'autres assos où on a travaillé, ou d'un point de vue que ce soit vie pro ou vie associative, c'est que ça a tendance à aller trop vite et on prend pas le temps vraiment de bien faire les choses. Et là c'est vraiment, tu m'arrêtes, hein, arrêtez-moi madame la présidente s'il y a un souci, là le vrai objectif c'est vraiment de prendre le temps de bien développer ce qu'on veut faire, parce que vraiment ça allait trop vite et des fois il y avait des ratés, etc. Et c'est vraiment pas notre... Par exemple si... je sais pas, je me dis, quelqu'un veut mettre 3 mois à faire 2-3 vidéos, on va pas lui mettre la pression, il fera ce qu'il veut, etc. Quoi. Enfin, du coup, tu veux dire de pas travailler en flux tendu, finalement. C'est exactement ça. Donc c'est vraiment l'opposé des réseaux sociaux où tout va vite, où voilà, en quelques secondes, il faut faire passer le message. Là, au contraire, vous dites qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Là, on pense plus sur le nombre de personnes qui seront avec nous, par exemple. Le but, c'est que si, par exemple, moi, demain, je propose une émission pour ce compte-là, je pourrais dire, je la fais une fois toutes les 2 semaines. Mais le truc, c'est qu'il y aura d'autres personnes qui vont se dire, on fait une émission toutes les deux semaines. C'est comme ça qu'on compte le remplir, et voilà. Vous m'avez dit, vous êtes combien au sein de l'association? Vous recherchez peut-être des bénévoles aussi qui pourraient vous rejoindre et proposer des choses? On est 6 pour le moment, et oui. Idéalement, il faudrait être combien pour que ça tourne bien? Ah, il faudrait 5 émissions, donc 5 personnes qui veulent écrire des vidéos. Mais en plus, on a aussi toutes les compétences techniques, c'est-à-dire que derrière, on va avoir par exemple la personne qui va prendre le son, on va avoir la personne qui va faire le montage, etc. Le but, c'est aussi que les tâches soient vraiment partagées, qu'on n'a pas quelqu'un qui se retrouve à faire le montage de A à Z, tout de A à Z. Et aussi, on se concentre là que sur les vidéos, mais on a plein de projets à côté, ce type par exemple l'enregistrement de podcast. Je sais pas si je peux en dire, mais la grande ligne, c'est en gros faire des biographies de grands scientifiques. Ou qui sont pas très connus. On a des pourparlers pour des potentielles chaînes YouTube sur des sujets ou vraiment qui seraient un peu à part de l'Apex et que tout le monde travaille ensemble sur ces projets. Pour revenir sur la production de petits programmes, on a dit qu'il fallait prendre le temps, mais combien de temps ça prend pour faire un programme de quelques minutes, de maximum 3 minutes? Combien d'heures de travail ça demande à peu près? Je pense que ça, Corentin, c'est un peu ton métier, donc peut-être que tu sauras mieux. Alors ça dépend. En fait, le truc au niveau de la vulgarisation scientifique et qui fait que c'est, je pense, un type de production qui est parmi les plus longs, c'est parce qu'il y a la recherche de sources et d'écriture. Et que vraiment, là, c'est vraiment le plus long. Et des fois, ça peut prendre une petite vidéo de 3 minutes. Si quelqu'un veut qu'elle soit carrée, il faut que... Oh, peut-être une semaine. Ben, au moins, donc juste d'écriture. Après, s'ils travaillent à plein temps dessus, je pense qu'en un ou deux jours, c'est réglé, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Et puis les formats, je pense au podcast, là, qui peuvent durer 20 minutes, une demi-heure, bien rechercher ses sources, etc. Parce que nous aussi, au niveau de la vulgarisation, on est obligé d'être transparent au niveau de nos sources. C'est-à-dire que tout ce qu'on va citer, on va aussi les mettre en avant pour que si par exemple quelqu'un n'est pas d'accord, il puisse aller voir d'où provient notre information. Et que à l'inverse, s'il voit qu'on a fait une erreur, la personne qui voit cette erreur peut très bien nous envoyer une source qui confirme qu'on a bien fait une erreur, et nous on la remettra en avant pour dire oups, on s'est trompé. Dans les sujets que vous aimeriez aborder, je pense que chacun a ses sensibilités. Ouais. Alors, Lise, si dans ton cas tu voudrais aborder une thématique, ce serait quoi? Alors moi j'ai une passion pour les animaux, et surtout les animaux en gros qu'on soupçonne pas qu'ils existent, des oiseaux avec des très grandes pattes, enfin... J'ai découvert qu'il y avait un oiseau qui rumine comme les vaches, donc d'ailleurs il s'appelle l'oiseau puant, parce que du coup il sent pas très bon. En gros, il digère la cellulose. Moi, effectivement, tout ce qui est sur le thème de la biologie, enfin moins largement du coup, les animaux, ça m'intéresse beaucoup. Après, moi j'aime beaucoup apprendre plein de choses, donc... Les sujets ne manquent pas. Non. Corentin? Oula, moi, à la base, moi je suis de la biologie, donc c'était vraiment le côté... Ce que j'aime beaucoup dans la vulgarisation, c'est... Par exemple, ne pas aborder, on parle de telle ou telle espèce. J'aime pas la production que les gens vont faire quand c'est du, par exemple, tel type d'oiseau se reproduit de tel moment à tel moment, machin, je trouve ça ennuyant. C'est un peu scolaire. Voilà, exactement. Et du coup, moi, j'aime bien prendre l'angle d'attaque au niveau de l'histoire, c'est-à-dire comment on a fait telle ou telle découverte, pourquoi à tel moment on a découvert ça, essayer de comprendre. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. J'ai prévu de faire un truc là-dessus, par exemple, avec la mort de Cléopâtre, que j'avais parlé parce que avant, j'ai fait des chroniques dans une émission qui s'appelait Science Infuse. Exactement. Et j'ai parlé de ça, de Cléopâtre. Et en gros, pour vous la faire courte, on voudra aller retrouver l'ancien épisode. Mais pour la faire courte, c'était... en gros, Cléopâtre, dans certains textes, on a vu qu'elle était morte, tuée par ce qu'on appelle un aspic. Sauf qu'un aspic, dans les textes de l'époque, ça veut dire un serpent venimeux. Quel type de serpent l'a tué? Donc en gros, en croisant les données historiques, géographiques, etc., moi je m'amuse à remonter et à retrouver avec quelle espèce elle s'est empoisonnée. Et il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est remettre en question les croyances, donc tout ce qui est biais cognitif. Pendant mes études, j'ai travaillé sur des sectes, et en gros, comment on fait pour tomber dans telle ou telle secte? Donc une fois qu'on sait ça, du coup, on peut théoriquement se dire qu'on va pas tomber dans les sectes, enfin... Faire aussi de la vulgarisation autour des croyances. Comment on tombe dans des pièges de raisonnement, etc. Qu'est-ce qui fera que ce que vous allez produire sera vraiment une réussite au-delà du nombre de vues que vous allez peut-être provoquer derrière? Qu'est-ce qui fera que ça marchera pour vous? Je pense pas qu'on puisse dire que ça va marcher. On l'espère très très fort. Ouais. On va faire tout pour, on va faire vraiment notre maximum. Ce qu'on sait, c'est qu'on a les compétences, qu'on a les compétences techniques notamment. Donc on va faire un truc... qui, à nos yeux, sera hyper quali. En plus, on a la chance d'avoir Corentin qui travaille déjà dans les réseaux sociaux, donc il a déjà une bonne expérience du truc. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Corentin. Qu'est-ce qui fait que ça pourrait marcher aussi, ce genre de... Le hasard, parfois, c'est... Ah oui, il y a toujours une part de hasard, oui. Ouais, après, là, moi, en fait, je suis dans les côtés techniques, là. Choisir les bons hashtags, publier au bon moment, à la bonne heure. C'est très stratégique, en fait. Ah bah les réseaux sociaux oui, genre complètement. Après je pense que nous dans notre approche il faut qu'on soit dans le participatif. Enfin vraiment qu'on essaye d'impliquer le plus possible les gens dans ce qu'on fait. Même par exemple pas hésiter à ce qu'on leur demande quel sujet les intéresse. Je sais pas par exemple ils se posent une question dans un domaine scientifique et nous on s'amuse à y répondre. C'est un truc classique mais c'est ultra intéressant. Puis souvent je vois ça avec du coup avec mon boulot où justement on demande aux gens de nous poser des questions pour faire de la vulgarisation, faire de la médiation. Et en vrai des fois même des professionnels de n'importe quel milieu au final quand ils discutent avec le public ils découvrent des nouvelles questions auxquelles ils s'étaient jamais posées. Et je suis sûr qu'on trouvera des pépites en faisant ça. En fait quelque part je pense que ça m'embêterait pas que ça marche pas trop tant que les productions sont claires et qu'on soit vraiment transparent au niveau des sources et que vraiment qu'il y a un échange même avec une petite communauté, ça c'est pas un souci, mais genre vraiment qu'il y ait cette transparence et cette rigueur scientifique en fait qu'il y a dans la vulgarisation. Et là donc on en est vraiment au tout début de l'association, mais est-ce que vous imaginez aussi d'aller à la rencontre d'un public qui serait pas forcément sur le web, de faire des ateliers dans des écoles par exemple ou autre? Oui. Merci Lisa. Non, mais j'avoue qu'après, j'ai peut-être pas les bons termes, donc je pense que tu pourras compléter Corentin, mais on a l'intention aussi de... Bah, du coup, d'où le côté aussi éducation et popularisation, de faire des partenariats avec des musées par exemple, faire peut-être des émissions avec des musées, faire des expositions en fait un peu mobiles. C'est vrai, peut-être que dans l'approche qu'on a eue, c'était très on travaille entre nous, etc. Alors que non, pas du tout. Ce qui nous intéresse, nous, c'est aussi de faire des partenariats à droite à gauche et qu'on soit pas forcément que sur les réseaux sociaux. On a déjà évoqué vraiment de faire des. Ce que tu viens de dire, Lise, des expositions. Lise et moi, on est plus sur les compétences, peut-être écriture et production audiovisuelle vraiment technique. Technique, ouais. Mais on a aussi, du coup, des membres qui sont graphistes, qui sont vraiment trop forts. Coucou Lucas. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, on veut vraiment qu'il y ait un côté artistique dans ce qu'on fait et des partenaires. Et plein de choses à faire. Genre vraiment qu'on travaille, pas forcément avec sur les réseaux sociaux. Enfin, vraiment qu'on développe des choses sur Nancy. Et du coup, pour répondre à la question de est-ce qu'on sera intéressé pour faire des ateliers, peut-être de la prévention, des rencontres. Ah oui, complètement. On y a pensé. Ça se fera pas tout de suite parce que c'est quand même un truc qui demande beaucoup d'engagement, voire. Et de budget. Voilà. Aussi. Voir avoir quelqu'un de salarié parce que ça veut. Enfin, on fait pas de la prévention ou des ateliers scientifiques à 20h du soir, hein, après la journée de boulot. Donc, oui. Enfin, mais ça, c'est sur le long terme, ouais, complètement. Enfin, je pense que oui, complètement. Oui, secrètement aussi, on travaille sur un jeu vidéo. Ah oui, c'est vrai. C'est secret. C'est secret, il faut pas le dire. Parce qu'il y a des compétences au sein de l'association. Tout à fait. On le sait. Voilà, en tout cas, on a hâte déjà de découvrir vos productions. Alors, si des auditeurs nous écoutent et voudraient vous aider, de quelque manière que ce soit, comment ils peuvent faire? Pour l'instant, il faut encore qu'on s'organise entre nous. Il faut encore qu'on développe notamment une page Facebook, par exemple, ou Instagram pour que les gens puissent venir nous suivre. Du coup, pour l'instant, on a juste une adresse mail. Hein. Qui s'appelle apex404@gmail.com si les gens ont des questions, si les gens ont des partenariats à nous proposer. Ensuite, on reviendra très vite avec plus d'informations et si les gens veulent nous aider en nous proposant des partenariats ou pour venir en tant que bénévole, on sera ravis. Et pour Apex, c'est APECS et pas APEX. On mettra bien sûr toutes les infos aussi sur le site de la radio avec la mail fadjet.net. Un dernier mot peut-être, qu'est-ce qu'on vous souhaite alors pour les premiers mois d'existence? Qu'est-ce qui serait l'idéal, que ça démarre assez vite aussi. Ouais, et puis qu'on ait plein de sujets, qu'on ait plein de productions de prêtes, etc. Enfin, ouais. Oui, là, ça va être vraiment production. On sortira rien avant d'avoir un certain nombre d'épisodes pour vraiment tenir sur le long terme, pour voir quelque chose d'un peu homogène. Merci Lise, merci Corentin pour l'association de popularisation et d'éducation à la culture scientifique APEX. Merci, à bientôt. Bah, à bientôt, merci à beaucoup. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.